J'ai bien utilisé cette nuit 46 minutes de sexe dans un film d'une heure et demie. Ça me paraît déjà beaucoup moins. Ah oui? Dans la dernière production américaine, il y a 1h28 de sexe. Dans un film d'une heure 30. Et les 2 minutes qui restent, c'est quoi? Psychologie. Je suis coiffeur vendable dans un patin minable. Je dois supporter tous les ragots des vieilles mégères qui se tapent dans le dos. Oh, si je n'étais pas là, le patin serait triste. Le patin serait bien triste et on se ferait chier. J'en sais encore plus que le curé du village. Ma boutique est le carrefour de tous les commérages. C'est comme ça que j'ai appris l'histoire de Monique, qui pendant mon mari travaille, Monique s'épique. Ah, si c'était pas là, le patron serait... Le patron serait bien fait. Et on se ferait chier. Grâce à la grosse madame entre choux, j'ai compris la fin de Raoul et Milou. Et je sais qui est le coupable. Un jour ou l'autre il se mettra à table. Heureusement j'ai des compensations. Avec certaines j'ai bien satisfaction. Et dans l'arrière-salle de ma boutique, je fais des coutures, des enfants, ça fait la trique. Si j'étais pas là, le patron serait triste. Profite, le patron serait bien triste. Et on se ferait chier.